Bienvenue à ce mini, à cette mini rencontre Café Philo autour du thème qui nous rassemble donc urgence et convivialité. Urgence, on comprend bien, et convivialité étant redéfinie au sens d'un ouvrage de Ivan Illich qui date de l'année 73, où Ivan Illich était visionnaire et où il nous dit dès l'année 73 que si nous continuons d'être dans ces hauts moments de consumérisme, nous allons à la catastrophe. Et il nous propose, dès 73, c'est lui qui parle de consumérisme, hein, d'arriver à quelque chose où il parle de frugalité, où il parle de décroissance, où il parle d'autolimitation, et en tout cas, il annonce un changement nécessaire. J'ai apporté avec moi, pour vous montrer combien ce thème est d'actualité, plusieurs revues sciences humaines qui datent du mois de février. Donc on est en pleine actualité, et donc bravo pour le choix du sujet. Hein. Sciences humaines, un des articles Apocalypse, ça date d'il y a deux mois, où si on prend le rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, si nous continuons sur cette lancée, il n'est pas impossible que en l'an 2100, nous ayons gagné ou perdu dramatiquement 4 degrés. Depuis un siècle, 1 degré de plus, 4 degrés serait à tous les niveaux une espèce de catastrophe. Je vous le lis hein, pour montrer combien c'est d'actualité. Le gouvernement est-il aveugle de l'urgence? Édouard Philippe, qui est notre Premier ministre actuel, se dit inspiré par la lecture de « Effondrement » de Jared Diamond, qui est paru en 2005. Donc le Premier ministre aujourd'hui se dit absolument préoccupé par ce que Ivan Illich annonçait en urgence et en proposition de convivialité. Une autre, toujours dans Sciences humaines, un numéro qui date de l'an dernier, « Apprendre à coopérer ». Nous ne sommes pas loin de tout un article là-dessus, sur qu'est-ce que c'est la convivialité, où les questions sont posées à tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est coopérer? Et là, nous allons tourner autour de cela. Est-ce que nous allons tous attendre que cela vienne d'ailleurs? Est-ce que nous allons attendre que cela vienne de l'international? Est-ce que nous allons attendre que cela vienne des gouvernements? Quelle est notre part à nous? Nous avons évidemment conscience de l'urgence, mais comment nous allons aller dans la convivialité? C'est-à-dire, est-ce que nous allons coopérer en manifestant, en demandant, en exigeant, ou bien commencer par nous-mêmes? Et là, nous allons, chacun s'exprimera. Est-ce que, comme le colibri, nous allons prendre la petite goutte? Est-ce que je suis venu en voiture? J'aurais pu venir à vélo? Est-ce que je commence par moi-même? Est-ce que j'achète en vrac? Est-ce que je mange moins? Est-ce que je mange différemment? Est-ce que je m'habille différemment? Est-ce que je ne pars plus en voyage parce que les avions? Enfin, quels vont être mes choix, non plus imposés, mais mes décisions éthiques à moi? Pour vous montrer encore combien le thème est d'actualité, dans le magazine littéraire, les 35 penseurs les plus influents du monde en ce moment, je vais vous en citer quelques-uns, et puis j'arrêterai là mon introduction, ce sera à vous de parler. Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie. Nous avons un prix Nobel d'économie, Jean Tirole, qui dit dans son ouvrage « Économie du bien commun »« Mettre l'économie au service des hommes et non l'inverse. Il est temps que les entreprises doivent se soucier de leur rentabilité, il n'est pas fou, mais sans oublier les intérêts de leur pays, de leur environnement, et de chaque... Alors, payer les actionnaires, bien sûr, mais il y a un message humaniste. Aussi, tenir compte des ouvriers. Voilà un prix Nobel d'économie qui va dans le même sens. Comment réfléchir le capitalisme qui est devenu fou autrement? Thomas Piketty, tout de même, mondialement, je crois, maintenant connu. Capital du XXIe siècle, son ouvrage, 2,5 millions d'exemplaires. Hein. Piketty dit il est temps de redistribuer autrement les richesses, c'est-à-dire les inégalités. Nous avons en France des gilets jaunes qui nous interrogent là-dessus. Est-ce que nous pouvons encore imaginer une société où l'on dilapide, l'on distribue, et donc aussi dans voir est-ce que ce capitalisme devenu fou, est-ce que dans l'inégalité, nous ne sommes pas en train d'accélérer notre mise à mort de la planète. Encore l'une ou l'autre chose pour montrer combien la thématique est ailleurs, il faut bien le dire, les anglo-saxons ont pris un peu d'avance, la thématique du care, pas beaucoup employée chez nous, mais aux États-Unis, absolument, entre les hôpitaux et le commerce, à tous les stades. Donc Joan Tronto, qui est vraiment maman care aux États-Unis, définit le care comme cette activité générée qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, pour que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Et elle part de la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes, et que c'est presque un symbole, comment nous prenons soin de notre santé, comment nous prenons soin de la manière de nous nourrir, de nous habiller, de nous soigner, et comment nous pouvons, à partir de là, prendre soin du bien commun qui est le nôtre, cette planète, pour qu'elle reste habitable, et pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent continuer à terme vivre. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que ça suffit. Il y a d'autres références, dont beaucoup d'économistes, qui aujourd'hui nous proposent tous de changer de paradigme, de changer de manière d'être au monde, d'être ensemble au monde. D'être à soi. Voilà. D'être à soi. D'être à soi avec les autres. Et donc, dans ce magnifique mot de convivialité, un tout petit peu redéfini, mais comment pouvons-nous coopérer les uns les autres, vivre un autre être ensemble pour faire en sorte que cette planète ne se détruise pas, pour que nous n'allions pas à l'apocalypse qui aujourd'hui, pour certains scientifiques, n'est plus de l'ordre de l'imaginaire, mais de l'ordre d'un possible d'ici quelques décennies, si nous n'y faisons pas attention. Voilà, nous ne sommes pas extrêmement nombreux. Je vous propose juste la première fois de dire notre prénom, et ensuite, juste à chaque fois, d'attendre que celui qui parle ait terminé de parler. Il n'y a pas besoin de distribuer davantage la parole. Et puis voilà, et on verra comment les thématiques de chacun peuvent évoluer, ainsi de suite. Voilà, c'est à vous. Qu'est-ce qui se sent à prendre la parole d'abord? Moi, je vais prendre la parole. Je m'appelle Marion. Par rapport au mot convivialité, je pense qu'il est important, c'est la notion de à quelle échelle ce que c'est convivialité, faire quelque chose ensemble au sein d'un quartier, au sein d'une ville, au sein du pays, dans le monde. Quelles seraient les différentes choses qu'on peut faire pour pallier cette urgence actuelle? Parce qu'au sein d'un quartier, c'est peut-être la question de recyclage, de faire attention à tout cela, parce qu'on n'a pas forcément, dans les villes, Montpellier par exemple, dès qu'on sort du centre-ville, il n'y a plus cette question de recyclage, on doit marcher très loin pour trouver une poubelle pour le carton, pour le verre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, au sein même de l'immeuble? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des poubelles jaunes, poubelles vertes, comme on peut trouver en Allemagne notamment? Au sein d'une ville, je pense notamment aux marches pour le climat qui ont été faites récemment. Est-ce que on peut pas se mobiliser comme ça? Enfin, c'est au-delà de la ville, c'est même tout le pays qui s'est mobilisé puisque c'était la même date. Mais est-ce que pour le pays, est-ce qu'il n'y a pas des actions concrètes du gouvernement qui pourraient être faites pour limiter les dégâts qu'on est en train de faire? Donc là, tu abordes deux choses. Premièrement, l'espace urbain. Et peut-être là, la future architecte a des choses à dire et à penser. Et puis d'un autre côté, l'engagement de chacun dans des marches, deux thématiques que l'on peut aborder. L'espace urbain et nos types d'engagement. Isabelle, très contente d'être là ce soir pour une thématique qui nous touche tous, à tous les niveaux. Et cette introduction montre que ce n'est pas une thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle plus, les jeunes nous le rappellent d'ailleurs, en descendant dans la rue le vendredi, mais on se rend bien compte que c'est une thématique qui est présente depuis longtemps. Et même Saint-Exupéry nous en parlait déjà. voilà, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Donc, c'est quand même une... C'était une très jolie phrase, syntaxe, mais qui déjà là posait toute la problématique. Non, on ne peut pas comme ça se servir de la planète sans se soucier des générations futures. Et peut-être que, basé dans ma génération, je me dis qu'on a une responsabilité pour le futur aussi. Oui, pour aujourd'hui, oui, il y a urgence, mais c'est vraiment pour préparer demain. Parce que là, c'est la fuite en avant. Donc cette thématique, ce soir, m'intéresse beaucoup. En y ajoutant même la poésie et, oui, et le pathos. Oui, syntaxe, parce que... Ouais, avec tendresse. Oui, et avec... oui, c'est poétique. C'est poétique, et puis ça nous rappelle à notre responsabilité. Je crois que c'est un des mots aussi de cette thématique, c'est responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons tous à notre niveau? Bien sûr. Voilà. Rosa Maria. Alors, par rapport à ce que j'ai entendu, moi, c'est vrai que quand tu as parlé de la ville, le quartier, comment on réagit, je serais encore plus, par exemple, par rapport au recyclage, peut-être même pas en arriver au recyclage, plus besoin d'en être au recyclage. Parce que je pense aussi que le recyclage... c'est de nouveau répondre, un peu comme l'antibiotique répondrait à la maladie, et pas l'homéopathie, pas aller chercher le vrai du sujet. Pourquoi on a besoin encore de recycler? Pourquoi on recycle? Parce qu'on est dans une surconsommation, le plastique, voilà, on ne fait pas attention à tout ce qu'on achète. Et c'est là qu'on revient à acheter en vrac, peut-être, réfléchir plus à notre alimentation, oui, commencer à l'individu. Je crois que c'est, avant d'aller au groupe, pour moi, hein, mon point de vue, ça serait individuellement, bouger les choses, comment se nourrir, auto-responsable. Au niveau médical, la maladie n'arrive pas par hasard, je n'y crois pas trop, à part des épidémies peut-être, mais même là, je pense qu'il y aura des explications. On n'a pas le médecin ici, mais... c'est moi qui fais des massages aussi là-dessus. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas le massage qui compte le plus, c'est apprendre à la personne à s'auto être en prévention, se masser quand il commence des choses, être avec les saisons. On a oublié un peu les saisons aussi. Avec tout ce capitalisme, on a tout bafoué. Et c'est vrai que c'est un retour à la terre et à soi. À soi avant de avant tout. Alors, je me permets de nous inviter, je m'y inclus, à rester centré sur le thème qui est la convivialité. C'est-à-dire, j'entends bien qu'on peut commencer par soi, évidemment. Pour aller vers l'autre. Mais est-ce que dans ce commencer par soi, en responsable et en individuel, est-ce que, par exemple, tu pourrais aller vers... Dans quelle convivialité? Est-ce que je peux me mettre en réseau? Est-ce que je peux dire via un réseau que j'y vais? Est-ce que tu veux y aller aussi? C'est-à-dire inviter les autres? Est-ce qu'il y a un ensemble, un être ensemble là pour peut-être nous donner plus de motifs, plus de motivation? Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train de bouger beaucoup. Tout ce positionnement de la femme, ou même en bio, écologie, via mouvement. Par internet, les réseaux sociaux. C'est ça l'idée, hein, de nous inscrire dans un mouvement. Dans un mouvement, absolument. Et de le savoir. Défendre des causes, effectivement. Et c'est vrai que c'est en train de bouger. Je vois qu'il y en a beaucoup de mouvements comme ça maintenant. Ça bouge. À cet ordre-là. Mais c'est vrai, toujours dans le partage de la convivialité, oui, pas garder ça pour soi et individuellement. C'est un thème qu'on pourrait aborder de tonnes, parce qu'il y a, pareil, en écologie, toutes les manifs, mais commençons par nous, comme tu disais. Est-ce qu'on prend la ville? Je prends la voiture tous les jours, toute seule. C'est trop facile juste d'aller à la manif et défendre des causes, qu'après on n'applique rien. Et ça, on est parfait, l'être humain. Il a aussi cette capacité, d'être dans ça. Alors, voilà, il ne s'agit pas de juger, on doit changer aussi. Maintenant, on a vécu très longtemps comme ça, il faut revenir à autre chose. c'est déstabilisant, c'est pas évident, c'est se mettre à vélo. Et moi, je le vois moi-même, je trouve toujours une excuse pour prendre la voiture. Je dois porter de la terre, je dois ceci, je dois... Mmh. Et dans le temps, on faisait comment ? Quand il n'y avait pas. Hein ? Ben oui. Hein ? Ben oui. On faisait comment ? C'est, maintenant, ça nous paraît de... Mmh. C'est une évidence. Et du coup, on est excusé par cette évidence. C'est-à-dire que son thème, bon, je l'ai dit, bon, là, hors truc, mais de convivialité, ça nous interroge bien sûr sur ma responsabilité et mon engagement. Mais au-delà, comment je mets en réseau, quoi ? Comment je fais ce que je dis aux copines ? Est-ce qu'on covoiture ? On commence par des petites choses comme ça. Est-ce qu'on prend le vélo ? Est-ce qu'on achète en vrac et on partage le vrac. Oui, enfin, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt à inventer des petites choses, quoi? Oui. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans ça actuellement. La jeunesse me surprend par ça. Extraordinaire. Je pourrais le dire. La jeunesse me surprend par ça. Moi, j'ai une de mes deux filles complètement dedans. Hein. Ah oui. Et il y a toute une... Moi, je pense plus de sac plastique. Là, on dirait des 68 arts. Il n'y a pas de sac. Pas de sac plastique. À Noël, elle m'a offert des sachets. En tissu. Oui, moi aussi. Pour que j'aille. Ils sont dans mon panier, les sachets. Voilà. Moi, dans la convivialité, j'entends aussi un appel intergénérationnel. Parce que souvent, je me dis, quand je suis dans des villes, je me dis, mais il n'y a plus de bancs. Il n'y a plus de. Comment font les personnes âgées ? Tout va vite. Quelle est la place qu'on leur laisse alors qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, qu'on a à aider, que, etc., etc. Moi, souvent, je me dis, c'est comme s'il y a une espèce de course d'une génération active qui court, qui fait, et qu'on oublie les côtés. Et peut-être que là aussi, on a à apprendre parce que, ce que disait Rosa, nos anciens, ils n'avaient pas forcément toujours une voiture, ils n'avaient pas forcément... ils ne vivaient pas de la même manière. On a à apprendre, à réapprendre aussi. Je pense qu'il y a des choses qui étaient simples. Enfin, je ne sais pas, moi je pense à ma grand-mère qui avait son potager, on mangeait les légumes de saison, on ne se posait pas tant de questions que ça. Il y a peut-être des choses à reprendre et à apprendre, des générations... au-dessus, et en même temps, les jeunes nous poussent à aller réfléchir à demain. Donc, je trouve que la thématique intergénérationnelle est importante. Mmh. Ouais, et pas juste se centrer sur nous, mais au-dessus, en dessous, voilà. Moi, ça me paraît important. Je pense que c'est ce qui est recherché actuellement avec ce qu'on appelle l'habitat participatif, qu'on cherche à faire vivre toutes les générations ensemble, à vouloir créer un espace vert, quelque chose d'ensemble, potager, tout ça, et que malheureusement, souvent, c'est un échec. Souvent, ça marche pas, ces habitations-là. C'est assez utopique, oui. Souvent, ça fonctionne pas en réalité. C'est le rêve de beaucoup d'architectes de créer quelque chose un peu sympa, vraiment axé sur le vivre ensemble. Et on se rend compte que, mine de rien, les gens ont besoin et ont envie de leur individualité. Souvent, on retrouve dans ces grands espaces verts des personnes qui vont vouloir clôturer un peu leur espace en mettant leur pot de fleurs, en mettant leur haie et des palissades pour pouvoir se recentrer sur eux et s'isoler du reste. Donc, c'est un peu une sorte de paradoxe dans tout ça. Vouloir vivre ensemble, mais pas trop. Est-ce que on n'a pas idéalisé une époque où ils vivaient toutes les générations ensemble ? Mon père, il m'a dit que ce n'était pas si la joie que ça. Ah ben non, il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'on est venu à vivre individuellement, les enfants partaient. Oui. Parce qu'on n'idéalise pas cette époque-là où la grand-mère est encore à la maison de tout le monde, mais ça hurlait, ça criait, tout le monde se croyait. Ça a été une grande maison. C'est aussi à bien analyser l'époque. La liberté pour les jeunes adultes. Ouais. Le fait qu'il y a un système très piloté par les anciens. Et ça voulait dire quand même aussi un système peu évolutif. Oui. Et ça, donc la traduction c'est bien, mais l'évolution c'est bien aussi. Ouais. Donc c'est difficile de trouver l'exact mélange, quoi, en fait, entre ces deux choses. Et je pense qu'on a trop basculé. En fait, on a basculé trop loin vers l'individualisme, la performance. On veut s'épanouir, se réaliser. Avant, enfin, il y a un côté porté par le progrès, hein, que voilà, il faut réussir sa vie, réussir son couple, réussir sa maison. Enfin, il y a toutes les dimensions qui appellent à la réussite, alors qu'on oublie que on peut réussir tout seul, sauf que on est tout seul. Mais c'est ça. C'est... Et en même temps, dans la thématique, moi, ce que je retiens, c'est la notion urgence. Enfin, tout le monde le dit. Mmh. Alors, on en parle. Voilà, c'est urgent pour la discussion. Et après, au quotidien, qu'est-ce qu'on en fait de cette urgence ? Comment réellement intégrer cette urgence ? Parce que rapidement, je pense que elle pourra pas se faire, même si c'est urgent. Dans le mot urgent, c'est là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, à part de faire des choses comme il dit, vélo, acheter des légumes en brac, partager, même faire des... Il y a des potagers de rue maintenant. Faire un potager. Faire des potagers des rues. Là, c'est dans la convivialité. Ça, il y a plein de villes qui le font et qui s'est mis en place. Et qui paraît que, globalement, ça fonctionne. Là, le partage existe. Plus que peut-être vivre ensemble, c'est... plus l'égoïsme. Partager quelque chose ensemble davantage. Voilà, exactement. Attends, par rapport à quoi j'étais en train de... Je ne sais plus. C'est pas grave. Je reviens juste, alors qu'on ne s'éloigne pas trop de la thématique, mais je crois que ça en fait partie. Je vous lis un passage. Hein. Donc, c'est dans la science humaine de coopérer. Hein. L'anthropologie des peuples sans état montre bien comment l'apparition des hiérarchies sociales, notamment quand elles coïncident avec le développement d'une forme de richesse, s'accompagne plus souvent qu'autrement de relations d'exploitation et d'asservissement. Bon, le reste dit maître et esclave, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement, est-ce que c'est une protection au départ, une peur, une conservation de soi, de l'espèce? Mais dès que quelqu'un a un peu plus que l'autre, il dit c'est à moi, il le protège. Comment c'est encore en nous? Et est-ce que nous ne devons pas carrément... Parce que ce que tu disais, Mireille, c'est qu'on est peut-être allé trop loin, là où il y a deux générations encore, il y avait une nécessité de vivre ensemble, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, que le tonton seul, la grand-mère, il n'y avait pas de sécurité sociale. C'était pas possible. Les grands et grandes fermes, il fallait vivre ensemble. En quelques générations, avec les salaires, avec l'indépendance, nous avons les moyens, mais est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à un autre paradigme où, dans ces égoïsmes, égocentrismes, nous revenons à du partage, de la coopération, à d'autres formes de solidarité? On a vu en Espagne, en Italie, je crois aussi, hein, où des familles de l'âge de 40 ans revenir chez les parents. Hein. Oui. Les couples avec par les enfants. Par manque de moyens. Par manque de moyens. Et oui. Voilà. C'est loin d'être évident. Après, je me dis qu'il y a aussi, dans le vivre ensemble, peut-être qu'il y a aussi des cultures. C'est-à-dire que le français... vivre avec les autres, il y a un certain individualisme chez nous, dans notre manière d'être, dans notre société. Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont plus ouvertes à ça? Est-ce que ça serait intéressant d'aller voir ailleurs? Plus communautaire. Plus communautaire, moins individualiste, plus sur la société, et du coup peut-être plus sur faire du ensemble pour la planète, pour notre bien-être à tous. Et la question que je me pose, c'est si en France, on est si ouvert à ça. Il me semble qu'il y a des pays qui sont certainement plus communautaires que nous. Est-ce que nous, on sait vraiment? Est-ce qu'on a l'envie? Est-ce qu'on a cette... C'est pour ça que je reviens à cette notion d'urgence. Alors, on en parle, on se dit, c'est pas possible, 4 degrés, et puis est-ce qu'on va nourrir tout le monde, et on va pas... La planète, on la consomme, mais 3 générations, c'est plus possible. Et une fois que c'est passé, repart. On repart sur notre modèle. C'est difficile d'enclencher un vrai changement. C'est difficile de le prendre à notre petite échelle, oui, mais c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des changements qui se font, mais un peu plus comme des effets de mode. On va devenir tout d'un coup très extrême, on va devenir vegan d'un coup parce qu'il faut sauver la planète absolument. C'est des choses, au final, j'ai plein d'amis à qui c'est arrivé. J'ai plein d'amis qui ont fait ça, qui ont décidé d'être végétariens, véganes, et qui au bout d'un an, deux ans, arrêtent tout ça et reviennent à leur régime alimentaire de base. Est-ce qu'on ne réagit pas toujours à l'urgence de manière excessive et on refait des pas en arrière à chaque fois? C'est le risque. Est-ce qu'en employant le mot urgence, est-ce qu'on ne va pas surréagir à quelque chose qui est trop, trop dur et trop... Ouais, trop dur pour nous et qu'au final, ce soit... c'est pas périn, enfin, ça ne va pas sur le long terme et qu'on revienne à chaque fois en arrière. Alors, nous nous interrogeons sur nos individualismes, sur nos égocentrismes. La question n'est pas neuve. Diderot écrivait l'esprit des lois. Donc, chez les Lumières, déjà, il y avait cette question-là. Si individuellement nous ne sommes pas capables, confions-nous aux lois? Je vous donne un ou l'autre exemple. Nous ne pouvons plus construire aujourd'hui une maison qui ne soit pas dans telle et telle catégorie d'isolation. Oui, RT 2012. On ne demande plus aujourd'hui à l'individu de s'isoler, enfin de qu'il ait un habitat suffisamment isolé, c'est-à-dire qu'il consomme moins. Aujourd'hui, on l'oblige. Est-ce que nous ne pouvons pas, démocratiquement, et du coup, cela devient une question de démocratie, démocratie entendue comme sollicitant l'au-delà de l'égoïsme individuel, c'est-à-dire que je ne peux plus faire autrement, que je ne peux plus consommer exactement comme je veux, parce que, eh bien, les emballages vont être interdits. Il y a un certain... Nous sommes en train de vivre que c'est bien l'État qui va décider, au-delà de nos égoïsmes, que il n'y aura plus de sachets plastiques l'an prochain. Oui, là. Enfin, très bientôt. Et tout ce qui est carton. Donc, c'est bien dans l'esprit des lois, avec et une urgence et une conscience écologique. Et donc, c'est la règle, la loi, la norme qui vont faire que isoler une maison, ne plus consommer de plastique, etc., va nous obliger, peut-être contre notre tendance égotique. Pour certains, oui. Est-ce qu'il ne faut pas, le demander, même si nous sommes des libertaires et des... Mais demander est-ce au niveau démocratique, faire un référendum pour demander ça, tu dirais? Non, mais souhaiter, via nos députés qui font les lois, que oui, c'est juste qu'on isole plus, oui, qu'il y ait moins de plastique, qu'il y ait des pots catalytiques qui envoient moins de polluants, enfin, voilà, un certain nombre de choses, quoi. Et que ce soit les normes qui prennent, la règle, la loi, la norme, qui prennent la place de nos initiatives individuelles. C'est ce qui doit passer un peu en Danemark, Suède. C'est pas un peu ce qui arrive là-bas, que il y a des choses qui n'ont pas droit, ils n'ont pas droit. Je dis, c'est pas sûr que ce soit plus ou moins, mais je pense que c'est peut-être oui, parce que le citoyen, il a un peu de mal. Et devant autant de propositions de prix, là il s'y perd, et il va souvent au prix moins bas, que c'est pas obligatoirement, sans emballage. Bien sûr. En Allemagne, notamment, ils poussent l'individu à retourner sur le recyclage, mais ils poussent à, même si on achète du plastique, à toujours faire attention et on est obligé de le recycler. Absolument. Dans le sens où on a une consigne. Sur le verre, sur le plastique. On gardait tout et on devait. On mettait ça dans le supermarché, il y avait des consignes de partout et on récupérait comme ça de l'argent à chaque fois. Est-ce que. Enfin, je vois encore en France le nombre de plastique en console, le nombre de bouteilles en plastique dans les poubelles. Est-ce qu'on n'est pas obligé, entre guillemets, d'en arriver à là pour. Oui, c'est ça, qu'il y ait de l'argent, qu'on ait des changes. Comme pour le covoiturage, au final, est-ce que s'il n'y avait pas tous ces trucs de blablacar et où on peut se faire de l'argent, est-ce que les gens feraient du covoiturage? Je pense pas. N'ont spécialement envie d'en faire. Alors, pour certains, c'est sûr que c'est plus facile et plus sympa de faire la route à plusieurs. Mais je pense que le motif principal pour la majorité, c'est l'argent. C'est que ça les coûte beaucoup moins cher. Et je pense que c'est le moyen de pouvoir y arriver, c'est de trouver une solution, un peu une carotte, qu'on dirait, à mettre dans le nez pour avancer. C'est vrai. Mais ce que j'ai bien aimé, moi, dans l'introduction, c'est aussi, à un moment donné, de parler du modèle économique, parce que on peut tous individuellement se dire on va faire des petites choses, et même dans notre quartier, même dans notre ville, etc. Mais c'est quand même tout le modèle économique qui est mis à mal. Quand on se dit qu'une des plus grandes firmes, Monsanto, qui a été rachetée par Bayer, a quand même inventé la plante qui ne se ressème pas. Alors que notre problématique sur Terre est que tout le monde est à manger. Là, on est au sommet de l'incompréhensible. On en est à vendre des semences de plantes qui ne se ressèment pas. C'est ce modèle-là qui a remis en cause totalement. Et alors, des gens comme Radmi, bien sûr, en parlent, mais c'est quand même tout un modèle économique qu'on remet en question. Et est-ce qu'on y arrive en une génération? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on arrive à pousser? Quelles sont les organisations? Quels sont les mouvements politiques qui pourront amener à changer ce modèle-là? Parce qu'il est quand même bien ancré. C'est la question que je me pose. Mais j'ai pas tant l'impression que... Enfin, là, on parle beaucoup de capitalisme poussé à l'extrême, mais je pense qu'il y a plein de pays qui ne sont pas du tout dans ce modèle-là, qui respectent pas du tout ce problème-là. Et bien sûr, le capitalisme, il accentue, enfin, il va pas du tout dans le bon sens par rapport à cette urgence, mais je pense pas que d'autres pays qui suivent ce modèle fassent plus pour la planète. Je ne sais pas. Je pense que toujours aux pays nordiques, où mine de rien, ils suivent quand même pas mal le modèle capitaliste, et pourtant ils arrivent à faire davantage d'actions. Et je pense notamment à cette jeune, je crois qu'elle est suédoise, qui a 15 ans ou 16 ans, qui prend la parole, et qui, et pour plein de jeunes là-bas, c'est quelque chose d'hyper, d'hyper important. Et je pense que. Le modèle économique, oui, il en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Oui, bien sûr, il en fait partie, il accentue ce problème-là. Mais les pays sous-développés qui ne sont pas forcément dans ce modèle-là capitaliste, ils essayent de rattraper leur retard, et du coup, ils ne pensent pas du tout à cette notion d'urgence, et il y a quelque chose là qui pose problème aussi. Alors, que faire? Que faire? Qu'allons-nous faire collectivement? C'est ça la question. Collectivement, quelles sont nos actions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, est-ce que c'est bouger les partis politiques, bouger les priorités, bouger les oui, c'est bouger les priorités. Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans cette question-là. Il y a d'abord qu'est-ce qu'on peut faire au niveau personnel. Donc oui, en tant que consommateur, je peux changer un certain nombre de choses. Donc j'achète plus un certain nombre de choses, je milite pour acheter du vrac, pour limiter les... je signe des pétitions pour que McDonald's emballe mieux ses produits, enfin des choses comme ça. Ça, c'est mon niveau personnel. Après, il faut passer à la politique. Si on s'engage pas politiquement... Bah, il faut pas pleurer, quoi. Je veux dire, là, c'est notre responsabilité de citoyen qui fait qu'il faut qu'on aille voter, il faut qu'on fasse des propositions, et pas systématiquement en vouloir à Monsieur Macron ou une personnalité qui nous plaît pas, d'accord, d'accord, ils nous plaisent pas, mais qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on montre comme action simple qui peuvent marcher. Hein, par exemple, il y a des villes quand même, il y a des maires qui ont pris des initiatives, qui ont essayé de... Il y avait cette initiative intéressante entre multigénérationnelle, où en fait des propriétaires âgés qui n'arrivaient plus tout à fait à gérer leur... leur quotidien. Leur quotidien, mais aussi la maintenance de leur maison, les petits travaux, les petites choses comme ça, pouvaient loger des jeunes qui, eux, n'avaient absolument pas les moyens de se payer un logement. Puis il pouvait y avoir une solidarité, enfin un échange, mais c'est un échange économique. C'est-à-dire c'est un loyer contre une aide, de proximité, quoi. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est des choses intéressantes, parce que ça remet du lien, ça revalorise des gens sans argent vis-à-vis de générations plus anciennes, voilà. Ça permet de n'écarter ni les vieux ni les jeunes. Donc il y a quelque chose de valorisant humainement, je trouve, vraiment, très chouette, qui est intéressant. Oui, tout à fait. Mais c'est des petites initiatives qui sont très mal relayées par la presse, en plus. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas de ces petits projets sympas. Oui. Donc un niveau politique. Oui, et entre les initiatives locales, municipales notamment, et l'image, c'est-à-dire que oui, le tiers-monde n'a pas le modèle économique, mais c'est peut-être par l'image, comme le tiers-monde qui a aujourd'hui accès à Internet, l'Inde qui envoie encore des millions de tonnes de plastique, quand tout d'un coup ils ont vu par l'image des tortues qui étaient mortes parce qu'elles avaient avalé des poissons qui étaient morts parce qu'elles avaient avalé du plastique, c'est par l'image qu'aujourd'hui on est dirigé par ça, et peut-être aussi relayé par l'image des initiatives locales, demander au maire, là on a peut-être plus de pouvoir que la grande politique, de quand il y a eu du tri, quand il y a eu des jardins communs, relayé par l'image peut-être. Et là, on peut envoyer des images, relayer, promouvoir. Ouais, c'est vrai que des images chats, comme ça a toujours un poids très fort sur le coup, je pense. Il y avait une vidéo qui était beaucoup sur les réseaux sociaux d'un ours polaire tout amaigri sur la banquise en train de fondre, enfin, qui t'en rend de... C'est la fin du film La Planète Blanche. Isolé, là. Et il n'arrive même plus à grimper, il est tout amaigri et on voit qu'il n'arrive plus à trouver un passage sur la banquise. Ouais, c'est la fin du film. Très, très... On m'a toujours choqué avec ces images-là, mais j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose comme une urgence où ça pique très fort d'un coup et puis on passe à autre chose, c'est les réseaux sociaux. Et ces images-là, elles ont un poids, mais qu'à l'instant T et que de rien... C'est quelque chose de... C'est inclus au quotidien. Et en même temps, il y a des gens charismatiques. Il n'y a pas longtemps, j'entendais une émission, une interview d'Isabelle Autissi, extraordinaire, cette femme, qui est présidente de WWF, et qui parle extrêmement bien de cette écologie à notre niveau, à un niveau... un niveau d'un État et dans l'international, et qui prenait justement l'exemple du plastique. Il n'y a plus une plage où vos enfants qui jouent au sol ne sont pas en train d'avaler du plastique, parce que ça a contaminé les océans, ça a contaminé le sable, ça a tout contaminé. Et que là, par exemple, c'est un exemple où c'est une urgence mondiale, parce qu'il y en a partout. On a inventé quelque chose dont on ne sait plus que faire. Et c'est terrible. Et en même temps, elle a énormément de bonnes idées et elle a énormément de bon sens. Donc peut-être qu'il faut amener aussi ces gens pour qu'on les entende plus. C'est un peu sortir un peu du sérail politique, des partis, etc. Et que ces personnes-là aient leur place et qu'on les entende. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont engagés et qui sont charismatiques. À nous de les soutenir aussi. Parce que sinon... notre initiative, elle restera locale. C'était la question avec toute cette histoire de... Les jeunes sont très mobilisés pour le climat, c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Il y a toute la question de est-ce que on ne pourrait pas voter à 16 ans pour les européennes. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'est toute cette grande question, est-ce que, mine de rien, on n'est pas touché... les jeunes ne sont pas touchés, est-ce qu'à 16 ans, on n'est pas capable de pouvoir avoir un positionnement politique par rapport à ça. Et comment ça peut se faire, comment on peut bouger les choses à ce niveau-là, comment Oui, tout à fait. Peut-être que justement, c'est les jeunes qui vont pousser. Mais je pense que c'est le moteur actuellement. C'est les jeunes qui sont en train de pousser, qui sont en train de trouver d'autres façons de faire les choses, d'autres façons de se nourrir. De... Typiquement, je suivais une page sur Instagram il n'y a pas longtemps qui était On est prêt. Et en fait, c'était pendant un mois, il y avait un défi par jour qu'on devait réaliser pour aider la planète. Et puis, donc c'était plutôt des actions individuelles, mais au final, que tout le monde faisait, que ça créait un grand groupe collectif. Oui, et il y avait toute la pétition qui avait été faite après pour... je ne sais plus comment on avait appelé... le débat du siècle, pas le débat du siècle, quelque chose comme ça. Et en fait, il y avait eu un nombre de signatures qui était pour demander à ce qu'il y ait des actions concrètes pour le climat qui soient faites. L'affaire du siècle, et... il y avait eu je sais pas combien de millions de signatures, enfin c'était quelque chose de je suis sur Instagram et puis il y a eu des petites actions tous les jours et une qui a beaucoup marqué et j'étais pas du tout au courant de ça, c'est que chaque recherche Google qu'on fait ça pollue énormément parce que ça consomme sur les serveurs Google qui sont aux États-Unis au milieu de je sais plus quel grand désert. Et chaque recherche, ça consomme, je ne sais plus quelle quantité de... On n'en est pas conscient. Il n'y a aucune conscience de ça. Telle quantité de CO2, pareil pour les mails, il y avait chaque mail reçu, c'est un total. Oui, moi aussi. Je savais les portables, qu'ils avaient besoin de minéraux très rares pour nos portables. On consomme une quantité de portables, on les jette et on ne s'en occupe pas, on ne se préoccupe pas de ça. Les serveurs Google sont d'ailleurs beaucoup plus en Norvège, en Suède du Nord, parce qu'il faut refroidir. Ce qui coûte, c'est refroidir. D'accord. C'est ça qui coûte le plus cher. Nos mémoires, dès que vous êtes sur le cloud, c'est mémorisé, et même à plusieurs endroits, si jamais des terroristes ont sauté à un endroit, pour que donc Google vous garantit. Ouais. Et donc c'est d'énormes serveurs, et ça chauffe. Ça chauffe, et donc il faut refroidir. Et c'est refroidir qui coûte cher. Donc en fait, c'est une extrapolation. Quand on dit un mail coûte, c'est parce que chaque mail est gardé. Oui, c'est ça. Pour les mails de 10 ans, les dernières années, c'est énorme. Et ces mails sont donc conservés dans d'énormes trucs de mémoire qui sont des hangars gigantesques et qu'il faut refroidir. C'est le refroidissement qui coûte. Et en même temps, il y avait une émission sur Arte qui était terrifiante. C'est justement toutes ces données, à un moment donné, bien, tu ne peux pas tout garder. Il y a tout le nettoyage de ces serveurs, etc. Et ce sont des Philippins, énormément de Philippins qui travaillent, mais qui sont payés, mais même pas une misère, c'est en dessous de la misère, et qui travaillent des heures et des heures, des journées. Pour faire du ménage, du ménage numérique. Et on a un nouveau modèle économique. Du ménage numérique, et qui sont des vrais, enfin ils avaient un peu sous-titré l'esclavagisme des réseaux. Enfin, moi, ça m'avait... c'était terrible. C'était un reportage terrible. Et là, tu te dis... C'était quand ça ? Ça m'intéresse. Peut-être quelques mois. Mais je peux retrouver. C'était très intéressant. J'aimerais bien, ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis dans une association qui s'appelle... La Vie Nouvelle. Comment ça s'appelle ? Responsable des citoyens, un truc comme ça. Et l'idée, et on a une prochaine réunion dans 2 semaines, là, où le thème de la réunion sur un week-end, c'est la transition énergétique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour. Comment nous mobilisons-nous, voilà. D'accord. Et du coup, moi, je cherche des infos sur ce coût énergétique du réseau, du numérique, de nos portables, etc. Avoir des chiffres clairs là-dessus. Donc, tout ce qui tourne autour de ça, ça m'intéresse très bien. C'était un documentaire Arte. Ouais, mais c'était terrifiant. On se pose pas la question. Mais bien sûr que non. On se pose pas la question de ce qui va se passer après de nos données. Alors, bien sûr, on parle beaucoup de la gestion des données, mais après, évidemment, tout le monde qui a un portable, tout le monde qui a... Oui, sur quelqu'un qui disparaît, quand il meurt, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces données? Non, ça aussi, oui, c'est intéressant à savoir. Il y a une rupture de l'espace-temps, là. Moi, j'ai un ami qui est mort et son blog est resté. Des choses que tu dis, bon, et qui c'est qui va s'en occuper? Est-ce que quelqu'un s'en occupe? Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? De cette presque pollution numérique. Alors, je propose qu'on aborde ça un peu plus tard. Oui. Nous éloignons un tout petit peu du sujet. Je voudrais vous apporter une chose qui me paraît intéressante. Alors, c'est toujours pris dans les 35 penseurs les plus influents. Bruno Latour, je ne connaissais pas non plus, inconnu encore il y a 15 ans en France, mais qui publie et qui propose la chose suivante, son idée du parlement des choses, où les hommes, leurs artefacts, la faune, la flore, les sols, les minéraux, seraient représentés à part égale pour défendre leurs droits. Et c'est relayé par Philippe Descola, qui est un petit peu plus connu, présenté comme l'héritier de Lévi-Strauss, qui, par-delà nature et culture, c'est paru en 2005, il a classé les sociétés selon les caractéristiques qu'elles accordent à leurs membres et aux entités qui les environnent. Il y aurait une ontologie animiste, les non-humains sont posés comme ayant les mêmes intériorités que nous, un arbre, l'arbre et le grand-père, mais une physicalité différente. Bon, on peut s'arrêter là. C'est-à-dire que ce que de grands intellectuels nous proposent maintenant, c'est que on peut à nouveau quasiment se dire animiste. C'est-à-dire que dans cette mouvance-là, il n'est pas, nous n'aurions pas osé, il y a encore 10 ans, nous dire que l'arbre du coin, autant de dignité que moi, c'est juste du bois chauffé ou des pommes récoltées. Nous n'aurions pas osé dire que le chat, la tortue, le moustique a autant de dignité que moi, voire cette bougie. Ça nous paraissait complètement, enfin, on était ringards, digne d'un ésotérisme un petit peu suspect. Mais aujourd'hui, à sauver tout notre environnement, nous ne sommes peut-être qu'un élément parmi d'autres. Et on n'est pas sectaire, comme tu le dis, ou digne d'un ésotérisme un petit peu bizarroïde, là, les perchés d'il y a 15 ans, que de revenir à est-ce que les choses, en tout cas le vivant, la carotte, la pomme, est-ce qu'elle elle fait aussi partie du vivant? Et comment que c'est? C'est un petit aspect des choses qu'on peut peut-être aussi aborder. Donc l'idée, c'est d'avoir un genre d'ONU de tous les espaces, de toutes les espèces vivantes, pour qu'elles soient toutes représentées en fonction de leurs intérêts et leur mode leur principe de précaution, c'est ça? C'est intéressant, je trouve. Hein, l'idée de la plante qu'on rend stérile, on ne peut pas. Oui. Est-ce que chaque plante n'a pas le droit de, à sa semence, à se reproduire, à rester dans l'ordre du vivant, quoi, de la vie? C'est l'ordre du vivant. Absolument. Aujourd'hui, il y a urgence à sauver les abeilles. Oui, voilà, par exemple. Ça, c'est un exemple, type. Parce que sans abeilles, pas de pollinisation. Sans pollinisation, tout le modèle s'écroule. Et que nous serions dans l'idée de urgence et convivialité. C'est-à-dire, soyons invitants, partageant le même espace avec les abeilles, mais aussi avec, dans mes intestins, il y a combien de millions de bactéries et de... Alors, je ne vais pas dire que je les invite, elles sont là de toute façon, mais nous partageons déjà des choses, hein, de fait, avec d'autres vivants. Et nous avons, on m'explique que si je n'ai pas ces bactéries, je ne peux pas ni digérer, ni quoi que ce soit. Donc, il y a déjà des convivialités. Il y a la terre, ça protège la terre, le sol. Bien sûr. Le sol, là. Le sol. Parce que l'huile est directe avec nous, je veux dire, on ne peut pas. L'air, pareil, n'en parlons même pas. L'eau. L'eau, n'en parlons même pas, parce que quand il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. Ça n'est pas. Potable, on parle potable, elle continuera à fonctionner. Oui, ça n'est pas seulement juste de l'eau qui passe par là, mais c'est moi demain. Exactement. C'est le vivant. Oui. C'est pour ça que ça commence à la cellule pour moi, à tous les niveaux. Bien sûr. Le démarrage démarre à la cellule. Et à partir de là, c'est... Et donc cette eau que je bois, c'est mes cellules en quelques heures, quoi. Oui, bien sûr. Donc cet extérieur à moi n'est pas tant extérieur à moi. Non, pas du tout. Surtout qu'on est 70%. C'est une autre dimension qui est très intéressante. Oui. Bientôt, je serai elle. Oui, absolument. Mmh. Alors ça, c'est la vision holistique de tout. Mmh. C'est très intéressante aussi. Mais oui, bien sûr. Comme dit, il y a 15 ans, on était perché quand on abordait ça. Aujourd'hui, on dit que c'est légitime de revenir. Bon, après, des grands penseurs. Hein, Mathieu Ricard a fait tout je pense à lui. Tout un très beau plaidoyer. C'est un plaidoyer pour. Ben, c'est pas pour les animaux. Il y a tout un truc sur les animaux. Oui, sur les animaux. Oui, c'est sur les animaux. Sur les animaux. Oui, oui. Et toute cette. Il n'y a pas de supériorité, infériorité. Tout le système. On cohabite et on a besoin des uns et des autres. Et très, très. Il a fait tout un livre très, très intéressant. Mmh. Donc voilà, des grands penseurs d'aujourd'hui aussi. Et maintenant, il va falloir garder l'urgence. Je crois qu'un des défis, c'est de garder l'urgence en tête. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de ne pas être dans un phénomène de mode, mais de garder cette urgence en tête. Oui, évidemment. Et maintenant, j'en fais quoi? Ok, mais urgence. Et je fais quoi? S'il y a du vegan. C'est urgent qu'on protège la terre. Oui. Mis à part que ça peut être une mode d'être vegan. Hein? Qu'on cultive autrement, qu'on respecte le repos de la terre. Ça, c'est urgent. Ça, c'est très urgent. Ah, j'entendais un truc sur ça tout à l'heure à la radio, où à Strasbourg, ils avaient fait une initiative du coup. Ils doivent se battre pour une plante qui envahit je ne sais plus quel espace, et au lieu de prendre des débroussailleuses et de tout mettre à blanc, ils vont mettre plein de moutons qui vont tout enlever et pour respecter la terre, parce que sinon avec les machines, ce qu'ils disaient c'est que on détruit le sol et il n'y a plus les autres arbres qui vont être là avec les moutons, et eux ils vont se concentrer sur les petites plantes qui les intéressent. Et oui, et ça je trouve ça intéressant aussi, parce que j'entendais Isabelle Odyssée, ça me faisait penser à ça, qui disait on peut manger de la viande, mais juste en quantité nécessaire, parce qu'on a aussi besoin des pâturages. Et on a besoin que nos vaches entretiennent les pâturages. Il y a tout un système, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller de. Elle dit moi, je mange un peu de viande, mais c'est de la viande de proximité, de quelqu'un qui élève bien son bétail, dans le respect, et qui en même temps entretient des pâturages, etc. etc. Donc il y a toute une chaîne à garder. Parce qu'en fait, on est parti sur l'intensif, on est parti sur le. C'est ça. De plus sortir les animaux, de les nourrir avec une alimentation de dingue. Enfin, on est parti sur un modèle de surproduction. Mais si on revient à ce qui était avant, eh bien, tout cet équilibre-là, il va falloir le retrouver. Mais il est important quand même de ne pas non plus être dans les excès, ni d'un côté, ni de l'autre. Et je trouvais que c'est là où c'est intéressant d'avoir aussi. L'intergénérationnel, la connaissance ancienne. On savait faire ça. Respecter le cycle de la terre, les friches, prendre la chair. Mais bien sûr. Et ces grandes plaines qui n'ont plus que du maïs sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, alors qu'avant, il y avait des terres au repos, et puis il y avait des complémentarités, etc. etc. Et aujourd'hui, on en est à utiliser évidemment. Tous les allants qu'on ne supporte pas, parce qu'on a fait de la monoculture intensive, on ne sait plus faire. Et c'est soi-disant plus rentable, soi-disant, parce qu'au final. Oui, on en sait. Ouais. Au final, je ne sais pas, mais c'est tout un modèle. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'on respectait aussi les arbres et la nature. Et, enfin, c'est intéressant. Je retrouve avec ta proposition de protéger la terre l'utilité de la loi, puisque le Roundup a été ou va être interdit. Interdit. Hein. On espère. Mais c'est en train. Enfin, en tout cas, la proposition de loi. C'est toujours Bayer, c'est toujours Monsanto, c'est toujours glyphosate, et tout compte fait. Oui, mais c'est bien une loi qui, à un moment donné, va interdire. Et récemment, je crois que c'est un Irlandais, je ne suis pas sûr. Il a fallu faire beaucoup de dégâts, c'est vrai. Qui a été voir au Conseil européen, au Parlement européen, c'est là où il décide, converti je ne sais pas combien de députés pour interdire la pêche électrique. Et donc la pêche électrique, dans certains endroits, peut-être pas partout, va être interdite. Ça fonctionne comment, la pêche électrique? Vous n'avez jamais entendu? Les pêcheurs français n'ont pas les moyens, je crois, ils sont contre. Et en tout cas, il y a des pêcheurs qui ont, une décharge électrique, et c'est des milliers de poissons. Oh, enfin, avec la flotte, c'est un truc de fou. Oh mon Dieu. Et donc, ils déciment les réserves de poissons. Non, mais on est complètement... Et donc, c'est bien une loi européenne qui va interdire. Donc, faisons aussi là, quand nous pouvons, pression sur un député ou l'autre, qui va faire pression, qui va faire passer idées. C'était un peu ce qui était souhaité durant le grand débat, au final. Bien sûr, cette idée de gilets jaunes, c'était un peu les initiatives proposées aux citoyens d'écrire ces idées, propositions de loi, de qu'est-ce qui pourrait être fait, et à voir à quel point ça peut être écouté et ça va être écouté. C'est toujours... Ça a démarré. Et puis, il y a aussi... je trouve que, alors pour être un peu positive, il y a quand même des entreprises qui font des actions. Par exemple, une grosse entreprise Novartis dans le pharmaceutique, on peut garer sa voiture si on fait du covoiturage. Sinon, on n'a pas de place de parking. Ah oui, ça c'est... C'est-à-dire, comment ça se passe alors? C'est-à-dire que si tu viens tout seul avec ta voiture, tu ne peux pas te garer. Tu n'as pas de place de parking. Si tu covoitures... C'est contrôlé par quelqu'un. Tu as une place. Si tu ne covoitures pas, tu n'as pas de place. Mais tu vas où? Tu repars avec ta voiture. Tu ne te gares pas. Mais tu peux aller travailler. Tant pis, tu vas arriver en retard. Tu vas chercher une place de parking, ça va t'embêter un jour, mais le lendemain, c'est sûr que tu vas en voiture. Ce que tu disais avant. Mais c'est la contrainte. À toucher à tes libertés. Mais c'est la contrainte qui fait que ça va bouger. On est en société. Comment on fait ça maintenant? Exemple un peu extrême, Quand ça te touche, c'est clair. Ils ont fait ça parce qu'ils sont plus nombreux, parce qu'ils ont moins de parking, parce qu'ils se sont dit non, on ne va pas en construire plus, mais on va faire plutôt une initiative pour que moins de gens prennent une voiture. Non, c'est bien. Alors évidemment, ça se passe en Suisse où on a une politique tout à fait autre. Déjà, point de vue écologique, ne serait-ce que les camions, que le ferroutage, etc. Donc c'est dans toute une démarche. Et en Suisse, ça ne choque pas. Non. En Suisse, ça passe. Je ne suis pas sûre que à Paris ça passerait très bien, je ne sais pas. Mais voilà, ce sont des initiatives d'entreprises qui. D'autres entreprises pharmaceutiques. Comme il y a un remboursement au kilomètre quand on se déplace en voiture, ont décidé que cette même prime était gardée pour les gens qui faisaient du vélo. Pour qu'ils ne soient pas pénalisés. Ce n'est pas parce que je prends mon vélo que je n'aurai pas ma prime en fin de vie. Donc, je garde cette prime-là, que vous veniez à vélo ou en voiture, vous avez cette prime. C'est aussi incitatif. Donc on peut aussi être dans le positif, pas que dans le répressif. Bien sûr. Ne pas avoir de place de parking, c'est répressif. Mais garder la même prime quand prends un vélo, c'est incitatif. Donc ça peut être aussi au sein des entreprises citoyennes, ou au moins qui ont certaines actions citoyennes. C'est intéressant aussi. Je sais que dans le Nord, il y a un chef d'entreprise... qu'il avait parlé une fois en parlant, c'était un programme sur Arte, sur l'écologie, et il y avait la banque, que ce n'est pas les banques normales, cette banque qui est maintenant, qu'ils ont créé un autre système de banque. Qu'il y a certaines villes qui l'ont, et que tu peux aller acheter avec ce système-là. C'est un autre système de banque. C'est une monnaie locale ou bien... Oui, c'est pas comme monnaie locale, parce que j'ai entendu parler de ça. Bon, en tout cas, dans le programme, il y avait un chef d'entreprise qui avait une entreprise et que lui, son entreprise, il voulait prouver que juste en gagnant deux fois le salaire d'un employé, l'entreprise marchait très bien. Il a limité son salaire. Et du coup, les employés... ils allaient comme à la maison travailler. Oui, il y avait le lien qu'il a réussi, et il a dit, pourquoi j'ai besoin de plus que le double? Si je les paye bien, eux, bah, obligatoirement le double, c'est déjà très bien pour moi. Mais il y a des initiatives. Quel besoin d'en avoir plus. Mais bon, ça, voilà. Il y a des initiatives. Là, c'est individuel. Il faut que la personne, individuellement, se dise, voilà, maintenant je gagne plus, on reverse tout à l'entreprise. Et voilà, et ainsi de suite. Mais là, votre retraite chapeau de 15 millions dont on a entendu parler. Mais il y a des entreprises qui, comme ça, s'engagent à ne pas avoir plus de temps et temps de différence entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé. Une échelle. Une conscience qui est en train de naître. Voilà, et de dire, là, 1 à 2, c'est extraordinaire, mais il y en a qui disent 1 à 5. Mais pas au-delà. Parce que c'est une entreprise citoyenne. Parce que. Limite. Et je trouve que c'est intéressant, ça, en modèle économique, de dire, voilà, nous, c'est 1 à 5. Alors, on va pouvoir... en même temps que tu vois, moi, je regarde ma montre, on est dans un format d'un peu plus d'une heure. Voilà. On était 1 heure et 5 minutes ensemble. Voilà, un format d'une heure.